Vincent. Bonjour Doris. Tu nous présentes aujourd'hui un CD de Charles Curtis. Ouais, en fait, trois CD, c'est une sorte de box, mais c'est pas vraiment une box. C'est une anthologie de musique de ce violoncelliste états-unien qui s'appelle Charles Curtis et qui a joué au Festival Archipel l'année dernière pour les rares personnes qui étaient là et que j'ai aussi vu il y a maintenant une dizaine de jours à Genève, qui était là pour le concert de sa compagne et qui a joué une pièce de Jacob Ullmann. Et c'est quelqu'un qui doit avoir la soixantaine maintenant, je pense, et qui, dans ce disque que tu tiens dans la main, interprète un mix de pièces de différentes époques avec différents auteurs et autrices. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il fait ? Alors, Charles Curtis, c'est quelqu'un qui a commencé son parcours dans un milieu, on dirait très très classique, avec une formation, des hautes écoles américaines. Je crois qu'il était à la Juilliard School, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, un violoncelliste virtuose, mais qui, parallèlement à ça, découvre un peu la scène expérimentale et contre-culturelle new-yorkaise de la fin des années 70, 80, tout ça, la scène noise. Il collabore à ce moment-là avec pas mal de gens, Borbeto Magus, et des projets assez bruitistes, tout en continuant son parcours de musicien classique. Et à la fin des années 80, il découvre un peu le travail de compositeur et de personnes avec qui il va collaborer. Le premier d'entre eux, c'est Lamont Young, qui est un compositeur américain, qui est toujours vivant aujourd'hui, mais qui est né il y a très très longtemps. Il doit être né en 35, 34. Et Charles Curtis devient un de ses collaborateurs réguliers. Il joue beaucoup sur beaucoup d'enregistrements, il fait beaucoup de live avec Lamont Young, et c'est une musique très très très très statique, sur des très longues durées, avec des idées assez radicales de composition derrière. Parallèle à son travail à Lamont Young, Charles Curtis développe des relations très proches au niveau du travail et au niveau de l'interprétation de pièces de Eliane Radigue, de Alvin Lucier, donc dans une tradition qu'on pourrait dire minimaliste, de la musique minimaliste, des musiques relativement réduites en termes d'instrumentation, avec des longues durées et des choses qui touchent à la répétition, à des choses très statiques. Et c'est quelqu'un qui a une maîtrise de son instrument assez extraordinaire, qui vient de sa virtuosité pratiquée pendant des années et des années et des années dans un milieu vraiment classique. Il joue des pièces de Bach aussi de manière assez extraordinaire, ce qu'il a joué d'ailleurs l'année dernière au Festival Archipel. Est-ce qu'on peut dire que sa musique est expérimentale ? Alors, dans un certain sens, oui, parce que sa musique en tant que telle, je crois d'ailleurs sur ces trois CD, il y a quelques compositions de Charles Curtis, mais la majorité des interprétations sont des interprétations d'autres compositeurs et compositrices. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce disque mélange des interprétations de pièces expérimentales avec des pièces anciennes, c'est-à-dire de musique qui date plutôt du 17e, même du 16e peut-être, même avant, dans le cas de Guillaume de Machaut, Thomas Hume, il y a du Webern sur ce disque, ça c'est le début du 20e, et il y a des choses un peu plus conceptuelles comme Alison Knowles, qui est une personne qui est rattachée au mouvement Fluxus, donc le début des années 60 à New York, et une pièce de Morton Feldman dont tu te rappelles peut-être le nom. Est-ce que Charles Curtis réinterprète les musiques qui datent d'il y a si longtemps ? Alors oui, d'une certaine manière. En même temps, il est assez fidèle aux partitions, il est assez fidèle à l'idée originelle, mais il a vraiment un son très très particulier. Il a une manière d'attaquer les cordes, il a une attention à l'écoute qui est vraiment spécifique à lui. Et en même temps, ces pièces, elles sont tout à fait valables, enfin ces versions qu'il enregistre sur ce disque, elles sont tout à fait valables comme des versions, si on veut, entre guillemets, classiques. Mais néanmoins, pour les personnes qui connaissent un peu son parcours dans le domaine de la musique expérimentale, on arrive à y déceler des petites subtilités, des petites couleurs qui les rendent assez spéciales. Merci Vincent. Merci Doris. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien.